L'Éternel écoute ma prière dans ta fidélité, exauce-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule ma vie dans la poussière. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est dans l'épouvante. Je me souviens des jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres. Je tends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre aride. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu fidèle. Que ton esprit me conduise sur la terre de la droiture.